tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse du général au président, un itinéraire gaulliste par Aurélie Luneau et Pascal Rayet. Au départ de cette série, il y a les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle, les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin, point de départ de l'organisation de la Résistance. Voici donc de nouvelles écoutes pour retracer ce parcours hors norme, à commencer par ce message lancé juste avant l'été. Alors pour commencer, les personnages. Un fils amiral, un historien résistant, un jeune homme qui a répondu à l'appel, une résistante à la mémoire qui flanche et les compagnons de route. Ensuite, le décor. Des avions, la clandestinité, la guerre, la radio, Carantec, Londres, un taxi, une démission, la désobéissance des cigarettes et des ratures, des souvenirs flous et des reconstitutions. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute les archives. Lieu de mémoire. L'appel du 18 juin par Aurélie Luneau. Aujourd'hui, 18 juin, la France célèbre un glorieux anniversaire, celui de la France combattante, de la France qui n'a pas voulu se résigner. Anniversaire d'un appel dont on n'a pas gardé d'enregistrement, mais que l'on commémore chaque année. Tous les 18 juin, dans toutes les communes de France, en principe, une cérémonie a lieu au Monument aux Morts et en principe également une messe est dite à la mémoire de tous les Français libres et résistants tombés durant la guerre. Auréolé de la reconnaissance nationale, l'appel du 18 juin 1940 est devenu un symbole, celui de la résistance et du refus de la défaite. Aujourd'hui, de nombreux Français affirment avoir entendu cet acte de foi du général de Gaulle sur un des 6 millions de postes de radio dénombrés dans la France de l'époque. Et pourtant, le soir du 18 juin 1940, à Londres, Charles de Gaulle n'est qu'un jeune général de 49 ans, quasi inconnu, seul, qui s'apprête à lancer sur les ondes de la BBC un appel à l'insoumission. Cet acte est contraire à toutes les règles du devoir militaire. De Gaulle le sait, mais le rebelle couve en lui depuis déjà longtemps. Tout l'hiver, donc, de Gaulle a été très préoccupé par la situation de l'armée française. Il avait, avec une grande audace, à l'automne 1939... rédiger un mémorandum destiné à l'état-major exposant qu'il fallait d'urgence transformer l'armée française et créer des grandes unités blindées. Jean-Louis Crémieux-Briac. Ce mémorandum, après 2 mois, il a eu l'audace de l'adresser à 70 hautes personnalités militaires et politiques au mois de janvier 1940 pour les mettre en garde. Un tel acte était un acte d'indiscipline, il faut le dire. Elle est à l'encontre de toutes les pratiques militaires. Aucune sanction néanmoins n'a été prise contre lui. En France, la drôle de guerre laisse les soldats s'installer dans une dangereuse inaction. L'ennui les gagne et en fait des proies faciles, livrées à la propagande ennemie. Le gouvernement français, aveugle sur les capacités militaires de la France et sourd aux injonctions d'un De Gaulle offensif, persiste dans sa politique d'une guerre défensive. Mais le 10 mai 1940, Hitler prend l'initiative, les panzers allemands déferlent sur la France. De Gaulle, conscient de la gravité de la situation, cherche rapidement à préserver sa famille. Amiral De Gaulle. Le 14 mai 1940, mon père est passé à Montry, où était le commandement de l'armée de terre. Et il avait espéré passer par Paris pour pouvoir me voir, et ma sœur aussi, qui était aux environs de Paris. Il n'en a pas eu le temps. Par conséquent, il m'avait envoyé un véhicule pour me chercher et m'amener au château de Montry pour le voir. Je l'ai vu un quart d'heure. Il m'a remis ce qu'il avait d'argent et aussi sans doute me revoir avant le combat, parce que lui-même allait rejoindre, il ne savait pas comment ce qui allait se passer et nous donner des conseils sans rien nous dévoiler, parce que quand je suis arrivé dans ce château, dans la pièce où il était, on a retourné tous les panneaux afin que je ne voie pas les cartes. Ce qui d'ailleurs m'a donné l'impression que c'était mauvais signe. Et il a dit qu'il nous a précisé qu'il fallait nous occuper de notre mère et l'emmener de Colombey ailleurs, dans l'Orléanais, que déjà Colombey, la Haute-Marne, risquait d'être dans la zone des combats. Et qu'en tout cas, il fallait que ma sœur et moi, nous partions de Paris sans tarder. Ce que nous avons essayé de faire, sans succès, puisque quand nous avons essayé de nous approcher des gares, et gare de l'Est, et gare de Sterlitz pour aller dans l'Orléanais, la foule était agglomérée jusqu'à l'extérieur des grilles. C'est-à-dire des milliers de personnes voulaient s'en aller, sans aucun renseignement d'où que ce soit. Simplement, peut-être le bouche à oreille, la panique. Je dois dire que les Allemands s'entendaient peut-être en sous-main par des agents de répandre de telles propagandes pour semer la panique. Ils savaient faire cela. Jean-Louis Crémeux-Briac, le général de Gaulle entre dans le gouvernement de Paul Reynaud le 6 juin 1940. Quel a été son rôle dès lors jusqu'au 16 juin 1940 ? Pendant ces 10 jours où il fut sous-secrétaire d'État à la Défense, tout jeune général, puisqu'il avait été promu général officiellement le 1er juin, plus jeune général de l'armée française, il s'est efforcé de resserrer les liens avec les Anglais et d'inciter les responsables à continuer la lutte. Et le général de Gaulle représentait pour Paul Reynaud le dernier espoir d'une défense cohérente, d'une défense militaire cohérente. Alors mon père était sous-secrétaire d'État à la guerre. On dirait aujourd'hui secrétaire d'État, parce que les secrétaires d'État, à l'époque, c'était les ministres. Essentiellement, il a été chargé de mettre de la cohérence dans la retraite et les combats d'arrière-garde de l'armée française, car à ce moment-là, on ne pensait plus pouvoir garder la métropole, évacuer le plus de troupes possible sur la Grande-Bretagne et sur l'Afrique du Nord. On pouvait évacuer beaucoup de monde. Il s'est donc efforcé jusqu'au dernier moment, jusqu'au 16 juin, de préparer cette défense et cette évacuation. Alors, il faisait pour cela beaucoup de trajets. D'abord en France, à Briare, le 14 juin, où ils ont rencontré Churchill. Et mon père allait d'un poste de commandement à un autre, d'un morceau de gouvernement à un autre, comme ça, jour et nuit, entre le 10 et le 16, jusqu'à Bordeaux, il revenait en Bretagne, ainsi de suite. Et il faisait ses trajets dans un avion que les Britanniques avaient mis à sa disposition, puisque c'était lui qui était chargé des liaisons avec les Britanniques. Pourquoi ? Parce que leur défense aérienne, anti-aérienne aux Britanniques était très hermétique. Et ils tiraient sur tout ce qui ne portait pas de cocarde britannique ou qui ne répondait pas aux signaux ou aux codes du jour britanniques par radio. Et c'était trop dangereux. D'autres avions français se sont fait abattre. Des avions français se sont fait abattre de cette façon. Eh bien, le 14 juin, le front, malgré les succès que de Gaulle lui-même avait remportés au sud de la Somme, le front de la Somme et de l'Aisne avait été rompu. Les Allemands fonçaient en éventail avec leurs colonnes blindées ou motorisées vers le sud. Et la Bretagne risquait d'être atteinte. Donc le général de Gaulle, partant pour l'Angleterre, passa en auto à travers la Bretagne, alla une demi-heure dire au revoir à sa famille réfugiée à Carantec et alla s'embarquer à Brest pour l'Angleterre. Le 15, nous avons vu passer mon père très peu de temps. Nous ne l'avions pas vu depuis plusieurs jours, et ma mère depuis plus longtemps encore. Il nous a incité à ce moment-là à ne pas rester en Bretagne, parce qu'il pensait que ça serait un champ de bataille. Et avec une sœur infirme, j'ai une sœur qui ne pouvait pas faire 100 mètres toute seule, c'était très compliqué. Alors il valait peut-être mieux s'en aller. Il a d'abord dit vers le sud. Nous avons ma mère et moi, et nous avons essayé de voir où nous pourrions aller. Et nous pensions à ce moment-là plutôt aller vers Nantes. Et puis les bruits couraient que les Allemands étaient déjà arrivés à Nantes, ce qui était faux, qu'ils approchaient de Rennes. Mais nous envisagions mal d'avoir à nous déplacer à nouveau avec notre sœur infirme par des trains, des barrages routiers de la police. Vous savez, on ne circulait pas librement, ni par train, ni par la route. Et ma mère s'est dit qu'après tout, pourquoi pas la Grande-Bretagne, depuis la Bretagne où nous étions. Car c'était un trajet qui, pour elle, je dirais pas, était presque naturel, mais qu'elle avait déjà fait en 14-18. Il faut se souvenir que c'était seulement 23 ans avant. Nous sommes aujourd'hui à Londres avec vous, Jean-Luc Rémy-Briac, vous qui êtes un ancien des services de la France libre. Et nous sommes là pour faire ensemble, en taxi, le trajet parcouru par le général de Gaulle, le soir du 18 juin 1940, entre l'appartement qui lui servait de bureau à Curzon Place et la BBC. Mais avant de refaire ce trajet, il faut rappeler quel est l'événement ultime qui, le 16 juin 1940, pousse le général de Gaulle à quitter la France. Le 16 au soir, Renault s'est effondré. Le général de Gaulle est rentré le soir en France sur un avion que Churchill avait mis à sa disposition. Et quand il a atterri tard dans la soirée du 17 à l'aérodrome proche de Bordeaux, il a appris que Renault avait donné sa démission. Il est certain que la résolution qui couvait en lui depuis le début du mois de juin de ne pas se soumettre à un armistice, ne pas accepter l'occupation allemande ni l'interruption des combats, et cette idée qui couvait en lui allait s'exprimer d'une façon très forte par un acte. Dès le soir du 16 juin, il était décidé à partir. Le 17 au matin, Renault complètement décomposé, lui fait tout de même remettre 100 000 francs de fonds secrets en lui souhaitant bonne chance. Le 17 juin à 9 h du matin, je m'envolais avec le général Spears et le lieutenant de Courcelles sur l'avion britannique qui m'avait transporté la veille. Le départ eut lieu sans romantisme et sans difficulté. Nous survolâmes La Rochelle et Rochefort. Dans ces ports, brûlaient des navires incendiés par les avions allemands. Nous passâmes au-dessus de Paimpont, où se trouvait ma mère, très malade. La forêt était toute fumante des dépôts de munitions qui s'y consumaient. Après un arrêt à Jersey, nous arrivâmes à Londres au début de l'après-midi. Tandis que je prenais logis et que Courcelles, téléphonant à l'ambassade et aux missions, les trouvait déjà réticentes, je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. Charles de Gaulle, Mémoire de guerre. Oh, this is Curzon Place. Jean-Louis Crémieux-Briac, vous êtes un ancien Français libre, vous êtes historien de la France libre. Nous sommes aujourd'hui à Londres, devant le 7-8 Curzon Place. C'est un endroit qui autrefois s'appelait Seymour Grove. Oui. Vous connaissiez cet endroit ? J'avoue à ma montre que je ne le connaissais pas. Cette maison se trouve dans un très beau quartier, le quartier de Mayfair, qui est à l'est de Hyde Park. Et le général de Gaulle avait donc reçu, avant de partir, de son directeur de cabinet, Laurent, qui était directeur général de la Banque de l'Indochine, les clés d'un appartement que Laurent possédait ou dont il jouissait. Et alors, De Gaulle est arrivé ici dans la matinée du 17 juin. L'appartement qui comprenait un grand salon dans lequel il a installé son bureau et où il a écrit l'appel du 18 juin, deux chambres et une salle de bain. L'appartement avait une vue superbe sur Hyde Park, sur l'autre face par l'autre façade, de sorte que par la baie ouverte, dans cet azur éclatant de juin, il voyait au-dessous de lui les frondaisons de Hyde Park jusqu'au sud, jusqu'à l'extrémité de Kensington. Londres, 1971. Monsieur de Courcelles est aujourd'hui ambassadeur de France à Londres. Il est à mes côtés. Alors, monsieur de Courcelles, quelle impression ça vous fait de vous retrouver ici, à Seymour Place, maintenant Curzon Place, là où vous étiez avec le général de Gaulle les 17, 18 et 19 juin? Eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire que je trouve très émouvant de revoir cet endroit où effectivement le général de Gaulle a rédigé son premier appel. À 3 heures, Spears l'emmène à Downing Street, petite maison près de Westminster où logent les premiers ministres et où Churchill d'ailleurs n'est pas installé depuis longtemps. Jean-Louis Crémieux-Briac. Et il traverse cette petite maison et derrière le bâtiment, il y a un petit jardin qui donne sur St. James Park. Et Churchill est assis sur une chaise longue au soleil dans ce petit jardin. Et apercevant De Gaulle, Churchill se lève, le visage illuminé, les bras ouverts, et l'accueille avec toute la chaleur de l'amitié pour cet homme en qui il a beaucoup d'admiration. Mais ils ignoraient qu'à 12h30, le maréchal Pétain avait pris la parole et annoncé aux Français qu'il fallait cesser le combat et qu'il prenait des contacts avec l'adversaire pour connaître les conditions d'armistice. C'est seulement après la réunion qu'ils l'ont appris tous les deux. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, effacèrent leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Nous nous trouvons avec mes camarades observateurs en avion, dans un village du Massif central qui s'appelle Le Boy-sur-Couze. Pierre Messmer. Et au moment où le maréchal Pétain prononce cette allocution, je me trouve devant une maison aux fenêtres ouvertes et où un poste radio, un de ces gros postes radio en bois comme il en existait à l'époque, diffuse l'allocution du maréchal Pétain. Alors je m'arrête devant la fenêtre puis j'écoute. Et ce qui m'a fait tout de suite très mauvaise impression, c'est la voix cassée, chevrotante du vieux maréchal. Je me suis dit, c'est un gâteux. Et immédiatement, c'est-à-dire dans l'heure qui a suivi, avec un de mes camarades, le lieutenant Simon, qui est aujourd'hui général et chancelier de l'Ordre de la Libération, nous avons décidé de quitter cette armée de l'air qui ne faisait plus rien, qui ne pouvait plus rien faire, pour prendre la direction d'une côte où nous espérions trouver un bateau qui nous permettrait de sortir de France. Et, en motocyclette, une moto empruntée, nous avons pris la direction de Marseille. Nous sommes parvenus à Brest dans l'après-midi du 18 juin. Amiral de Gaulle. Sans savoir et avec uniquement ce que nous avions sur le dos. Et à ce moment-là, en descendant vers le port de commerce, il restait deux bateaux marchands. Il n'y avait plus de flotte de guerre, elle avait vidé le port. L'un des bateaux appareillait, et le deuxième bateau, qui était un espèce de transmanche, une malle, vous savez, où les gens dont l'équipage parlait flamand ou néerlandais, ou quelque chose comme ça, attendait sur le quai les derniers éléments des arrière-gardes. C'était des Canadiens à l'arrière-garde, des Britanniques. Les derniers motocyclistes, tout ça. Mais qui voulait embarquer pouvait embarquer. La planche était... Personne n'arrêtait personne. Alors nous sommes montés avec d'autres civils d'ailleurs, et même des militaires français débandés. Il y avait même deux gardes mobiles qui étaient sur le quai qui se sont décidés à monter. sur ce bateau dans la soirée du 18 juin. Et nous avons réappareillé dans la nuit pour nous retrouver le lendemain matin 19 à Falmouth. Il y a un sujet qui, évidemment, a dominé la conversation de Churchill-De Gaulle, c'est la relation franco-britannique. De Gaulle était convaincu que la France sortait de la guerre. Et il a demandé à Churchill la permission de parler à la BBC, que Churchill instantanément lui a accordée. Et pourquoi le général de Gaulle pense-t-il immédiatement à la radio pour s'exprimer, Jean-Louis Crémieux-Briac ? Le général de Gaulle a toujours dit qu'il ne croyait pas à la propagande. Nous savons fort bien que c'est un de ses propos excessifs, familier aux grands hommes d'action qui croient d'abord à l'action. Mais il ne fait aucun doute que de Gaulle savait qu'en parlant aux Français, il faisait un acte qui était un acte politique irréversible. Non seulement il sortirait de la discipline, mais il rappellerait aux Français qu'il y avait une solution qui était continuer la guerre dans l'Empire, contrairement à ce que le maréchal Pétain avait dit. Ce 18 juin 1940, était-ce la première fois que le général de Gaulle prenait la parole à la radio ? Ce n'était pas la première fois qu'il parlait. Et curieusement, le 21 mai au soir, alors qu'il avait remporté son premier succès militaire à la tête de la 4e division cuirassée, l'état-major lui a envoyé une équipe pour l'enregistrer. Le texte enregistré dans le village de Savigny-sur-Orde avait disparu pendant très longtemps. Il a été retrouvé il y a une quinzaine d'années seulement par un journaliste français qui s'appelle Rouanet, qui l'a publié. Il a été diffusé seulement le 2 juin, le lendemain du jour où le général de Gaulle a été promu, le colonel de Gaulle a été promu général. Et ce texte est tout à fait passionnant parce qu'il contient, et sous une forme très énergique mais beaucoup plus ramassée, et avant que l'échec de la France ne soit total, il contient l'essentiel comme la préfiguration de l'appel du 18 juin. C'est la guerre mécanique qui a commencé le 10 mai. En l'air et sur la terre, l'engin mécanique, avion ou char, est l'élément principal de la force. L'ennemi a remporté sur nous un avantage initial. Pourquoi ? Uniquement parce qu'il a plus tôt et plus complètement que nous mis à profit cette vérité. Ses succès lui viennent de ses divisions blindées et de son aviation de bombardement, pas d'autre chose. Eh bien, nos succès de demain et notre victoire, oui, notre victoire, nous viendront un jour de nos divisions cuirassées et de notre aviation d'attaque. Il y a des signes précurseurs de cette victoire mécanique de la France. Le chef qui vous parle a l'honneur de commander une division cuirassée française. Cette division vient de durement combattre. Eh bien, on peut dire très simplement, très gravement, sans nulle vantardise, que cette division a dominé le champ de bataille de la première à la dernière heure du combat. Tous ceux qui y servent, général, aussi bien que le plus simple de ses troupiers, ont retiré de cette expérience une confiance absolue dans la puissance d'un tel instrument. C'est cela qu'il nous faut pour vaincre. Grâce à cela, nous avons déjà vaincu sur un point de la ligne. Grâce à cela, un jour, nous vaincrons sur toute la ligne. Savigny-sur-Ardre, 21 mai 1940, colonel de Gaulle. Jean-Louis Crémieux-Briac, comment se déroule le 18 juin 1940 pour le général de Gaulle ? Il commence tôt, je crois, la rédaction du texte qu'il lancera le soir même. Il semble qu'il commence à 8h du matin dans l'appartement de Laurent qui lui a été prêté, donc à 8h du matin, en fumant Players sur Players, un texte qui rature abondamment et qui est terminé en fin de matinée. Ce texte est presque illisible, mais il sera dactylographié grâce à la première française libre. Geoffroy de Courcelles, 1971. Et c'est dans cette antichambre que Elisabeth de Mirabel se tenait pour taper le, le discours du général de Gaulle. Et c'est également ici que, le lendemain de l'appel, les premiers volontaires qui sont venus se présenter, inscrivaient leur nom, donnaient leur adresse pour que nous puissions ensuite les retrouver. 1964, première version. Mais je n'ai pas tapé le fameux appel du 18 juin, je ne savais pas taper, je l'ai dicté à un volontaire qui était très vexé d'ailleurs de dicter sous les ordres d'une femme. 1970, deuxième version. Je savais très mal taper, mais je l'ai tapé avec une amie, François-Julien Durand, qui était venue avec moi de la mission Morand dans l'appartement de Laurent. C'est mon place. C'est là où nous avons plus ou moins bien tapé le premier discours du général de Gaulle. C'est pas une écriture facile, mais elle est très belle. Il me semble pas que j'ai redemandé à Courcelles. Je crois que j'ai compris. 1971, troisième version. J'ai eu ce texte dans l'après-midi. Je l'ai tapé avec difficulté. J'ai demandé plusieurs fois à Geoffroy de Courcelles des mots que je n'arrivais pas à déchiffrer. Et j'ai remis les texte à Courcelles qui les a donnés à De Gaulle et j'ai même pas entendu le discours parce que j'avais pas de radio. J'ai lu les réactions dans les journaux du lendemain. Jean-Louis Crimebriac, vous savez qu'Elisabeth de Miribel nous a laissé trois versions sonores différentes du récit de cet appel. Pensez-vous possible qu'elle ait pu se faire aider ce jour-là par quelqu'un ? Non, je ne le crois absolument pas. Et une des versions qui a été reprise par Amouroux indique que le texte aurait été achevé de dactylographier par un planton. Mais nous savons par d'autres témoignages que le général de Gaulle n'a eu aucun planton à sa disposition ce jour-là. Et le témoignage de Geoffroy de Courcelles, alors, est tout à fait catégorique. C'est lui qui a achevé de dicter le texte qu'Elisabeth de Miribel ne pouvait pas déchiffrer. Général de Gaulle a remis son texte au général Spears et nous avons le compte-rendu de cette réunion du cabinet de guerre. Je cite « Le ministre de l'Information a reçu le texte de l'appel que le général de Gaulle souhaite radiodiffuser. Le ministre le résume ainsi « La France n'est pas vaincue, j'invite tous les soldats français à me rejoindre. » Écoutez bien le dernier paragraphe. Sur quoi le cabinet de guerre estime que le texte ne soulève aucune objection, mais que le général de Gaulle n'étant pas persona grata auprès de l'actuel gouvernement français, la BBC ne devra pas être mise à sa disposition tant qu'il y aura une possibilité de voir ce gouvernement agir d'une manière conforme aux intérêts de l'Alliance. Donc le cabinet britannique a approuvé en principe le texte, mais n'en a pas autorisé la diffusion. Mais tout l'après-midi, Spears va s'employer à faire en sorte que le discours soit néanmoins autorisé. Il a fait réveiller Churchill qui faisait sa sieste avec un masque sur les yeux à Downing Street après avoir parlé aux communes autour de 5 heures de l'après-midi. Et c'est Churchill qui a dit « d'accord ». Mais la difficulté sur le texte lui-même a dû subsister jusqu'à 8 heures du soir. En effet, nous avons un texte de la BBC qui prouve que c'est seulement à 8 heures du soir que le texte définitif a été approuvé. Et d'autre part, le texte qu'a diffusé le général de Gaulle n'est pas exactement le texte officiel que nous connaissons. Il y a plusieurs différences. Le texte a été, sur deux points importants, édulcoré afin de ne pas vexer, outrager, inquiéter par trop le gouvernement de Bordeaux du maréchal Pétain, au moment même où deux ministres britanniques, l'un était déjà parti pour Bordeaux, le second s'apprêtait à partir pour Bordeaux, et une mission française envoyée par Churchill avec Jean Monnet s'apprêtait également à partir pour Bordeaux. Donc le texte du général de Gaulle prononcé n'est pas celui que nous connaissons officiellement, et nous ignorons absolument dans quelles conditions il a été amené à modifier son texte, soit qu'ayant senti qu'il y avait une difficulté, il ait de lui-même fait deux versions, une version douce et une version dure qui reste pour l'histoire, soit qu'il ait subi une pression britannique lui disant « accord de principe, mais il faut modifier le début ». Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Le 18 juin 1940, les auditeurs de la BBC entendent « Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions pourrait cesser le combat. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la lutte devrait continuer. » Jean-Louis Crémieux-Briac, nous faisons ensemble le trajet de De Gaulle, ce fameux 18 juin 1940. Nous sommes maintenant à Brompton Square, où Elisabeth de Miribel vivait. C'est là qu'ils l'ont déposé le soir ? Ils l'ont déposé là, avant d'aller à la maison de la radio. Et Brompton Square n'est pas très loin de ces Maugrès où avait couché le général De Gaulle. C'est légèrement au sud de Hyde Park, à 7-8 minutes de voiture, un jour sans encombrement. C'est dans un beau quartier, près de l'ambassade de France où travaillait Elisabeth de Miribel. Ce n'est pas le plus luxueux quartier de Londres, mais c'est un quartier noble et qui convenait bien à la jeune et noble Elisabeth et courageuse Elisabeth de Miribel. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Eh bien voilà, Jean-Louis Crémieux-Briac, nous sommes maintenant à Broadcasting House, en face de la BBC. C'est un bâtiment plutôt austère, non ? Oui, c'est un bâtiment un bâtiment de pierre de taille blanche, très blanche et froid, sans balcon. Construit en 1931, ça a été une des premières maisons de la radio, qui rappelle un peu la maison de la radio de Paris, parce que la façade est arrondie, mais beaucoup plus petite que notre maison de la radio. Trois étages seulement, un hall impressionnant, un hall tout en marbre, dominé par une inscription en lettres latines dorées qui rappelle les buts pacifiques de la BBC. La BBC doit travailler pour la vérité et l'amitié des peuples. Inauguré sous la présidence de son créateur véritable, le directeur général Sir Hayes. Donc en 1931, et c'est là que le général de Gaulle a débarqué d'un taxi le 18 juin autour de 18h, et il a eu pour hôtesse une femme très remarquable, Elizabeth Barker, qui était une remarquable politologue, qui a fait un très beau livre sur Churchill et Hayden, et qui l'a guidé jusqu'au studio. Et Jean Marin et Oberlé, deux journalistes français qui étaient à Londres à ce moment-là, qui fréquentait beaucoup la BBC, ont assisté à l'arrivée et racontent que le général de Gaulle a mis son képi à l'envers sur une chaise et a enlevé ses deux gants blancs et mis ses deux gants blancs dans le képi. Puis les deux speakers français ayant achevé le récit des nouvelles se sont éclipsés. Le général de Gaulle s'est assis devant le micro, on lui a demandé un essai de voix. Il a dit « La France ». Et puis l'émission a commencé. 1965, Elisabeth Barker. Je l'ai conduit au studio. Il marchait à très grands pas, en regardant toujours en avant. Le général s'est assis. J'avais l'impression qu'il ne voyait rien et personne au studio, sauf le micro. Il le fixait des yeux, comme s'il voulait le dominer. Ou peut-être comme si ce petit objet métallique était le peuple français tout entier. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Mais le 18 juin, je me vois encore, vous savez, nous étions debout, Moreno, ma femme, ma fille et moi, et je me rappelle exactement ce que j'ai dit à la fin. Il est bien gentil, mais comment veut-il qu'on y aille? Parce qu'il disait « venez », mais il n'était... comment y aller, c'était un problème. André Gillois, au moment de l'appel du 18 juin, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui avaient entendu cet appel. Vous pensez que cet appel a été très entendu en France, malgré l'exode, malgré les millions de Français jetés sur les routes de France? C'est une querelle que j'ai avec mon ami Briac, qui prétend, comme beaucoup de gens, que cet appel a été peu entendu. Et je m'élève la compte parce que, dans le petit patelin où nous habitions, le lendemain, j'ai bien vu que tout le monde l'avait entendu. Et tout le monde l'a entendu parce que... tout le monde, enfin, une grande partie des gens, parce que la radio anglaise était très écoutée depuis déjà plusieurs semaines, parce qu'on savait que la radio française ne disait pas la vérité, et quand on voulait savoir ce qui se passait, on écoutait la radio anglaise. Bon. Or, on a raconté, et Briac, qui était directeur de la documentation française, a toujours dit, répété, que ça avait été peu écouté, et comme je le lui ai dit souvent, ce n'est pas vrai. Les gens ne veulent pas l'avoir entendu parce qu'ils n'ont rien fait. Alors ils préfèrent dire qu'ils n'ont pas écouté. Mais c'est ce que je vous dis là, je l'ai dit un soir, il y a déjà plusieurs années, à la radio française. Et le lendemain, j'ai eu des lettres, en particulier, je me rappelle d'un Toulousain qui me disait, à ce moment-là, j'étais en classe, notre professeur nous en a parlé, nous l'avions tous entendu, donc vous avez parfaitement raison. Alors, bon, je n'ai pas fait d'enquête spéciale, mais je suis convaincu que c'est ça. Les gens ont écouté, mais qu'est-ce que c'est que ce général qui, on ne connaissait même pas son nom. Personne n'a pris ça au sérieux, c'est ça la vérité. D'abord parce qu'il n'avait aucune envie, il faut bien le dire. L'immense majorité des Français en 1940 était dans un état dont on ne peut pas se faire une idée maintenant parce qu'on ne sait, on ne peut pas imaginer ce qu'est un peuple vaincu. Donc vous aviez des gens effondrés qui ne pensaient qu'à une chose, récupérer leur appartement puisqu'ils étaient tous partis et puisqu'ils avaient le génial maréchal Pétain qui leur disait « mes enfants, remettez-vous, etc. Ben » ça, on n'allait pas ensuite écouter un général dont on ne connaissait même pas le nom. Maurice Schumann, 1969. Le 19 juin, les journaux, qui n'étaient pas encore soumis à la censure, dans la France du Sud, ont publié l'appel du 18 juin. Petite Gironde, la Dépêche du Midi, ont publié l'appel du 18 juin. Et entre le 19 et le 21, j'ai entendu un très grand nombre de Français commenter cet appel. Évidemment, à partir du moment où ils avaient compris que mes camarades et moi-même, nous étions en route pour y répondre, ils étaient plus à l'aise pour en parler. Alors nous sommes arrivés à quai à Falmouth. Et là, le débarquement a pris une partie de la matinée. Le bateau a fait le trajet en isolé, sans aucune escorte. Amiral de Gaulle. Et nous sommes arrivés à Falmouth sur des quais qui étaient entourés de barbelés. Et là, les Anglais ont trié ce qui débarquait. Ils ont pris d'abord leurs troupes, qu'ils ont mis en rang, qui étaient ramassées par des camions conduits par des femmes, d'ailleurs, des femmes en uniforme, qui était tout à fait nouveau pour les Français. Et nous étions parmi des civils, on nous a dit, voilà la planche et le quai, faites ce que vous voulez, vous débarquez, vous vous débrouillez, mais de toute façon, vous ne pouvez pas rester en Grande-Bretagne. Bien, nous avons donc débarqué à pied, et puis nous sommes rentrés dans Falmouth à pied, en nous déplaçant assez lentement, et nous sommes rentrés dans l'un des premiers hôtels pensions de famille que nous avons trouvé là, il devait être 2h de l'après-midi, et alors donc nous avons passé la nuit dans cet hôtel résidence. Alors, le 19 au matin, je suis sorti et j'ai acheté un journal britannique dont je me souviens qu'il s'appelait le Daily Mirror. Et j'ai regardé et il y avait un entrefilet qui disait qu'un certain général de Gaulle avait fait la veille un appel aux Français pour qu'ils se trouvaient en Grande-Bretagne ou hors de France ou même en France à le rejoindre pour continuer le combat. Point final. Alors, j'ai été dans un commissariat de police britannique, qui d'ailleurs surveillait très bien tout ce qu'il y avait automatiquement d'étrangers partout. Et j'ai tenté d'expliquer dans un anglais approximatif que je voudrais bien prendre contact avec ce général qui était à Londres, dont j'étais une relation. On m'a écouté en hochant la tête, j'ai été obligé d'écrire parce que j'étais pas bien compris, je parlais mal l'anglais. Et ils ont noté avec conscience sur un registre, et aussi l'adresse précise et mes coordonnées précises dans l'hôtel où j'étais. Et puis, leur conscience a fait qu'ils se sont renseignés. Et dans la soirée, nous avons vu revenir quelqu'un du commissariat de police qui nous a dit « On vous attend à Londres. On va vous descendez à telle gare et on vous attend. » Et le lendemain, nous avons pris le train pour Londres, nous sommes arrivés dans la soirée, où nous avons trouvé quelqu'un qui nous a accueillis et nous a amenés à l'hôtel Rubens, pas très loin de Buckingham Palace. Et mon père était descendu là, et nous nous sommes revus à ce moment-là, lui très soulagé de nous voir, je dois dire, et nous bien contents aussi de nous retrouver en attendant de décanter la situation. De Gaulle a été sûrement conscient qu'il commettait un acte contraire à la discipline militaire et qui était un acte, somme toute, historique. Mais il espérait encore que d'autres grands hommes politiques ou grands féodaux français dans les colonies ou généraux d'armée, et notamment des généraux dans l'Empire, n'accepteraient pas l'armistice. C'est seulement par la suite des événements, par la soumission des autres à Pétain, par la confiance que lui faisait Churchill, et aussi par sa chance, la chance joue en histoire, que de Gaulle, le 28 juin, a été reconnu comme chef des Français libres. « Vous êtes seul, eh bien je vous reconnais seul », lui a dit Churchill. Et c'est là que la grande aventure a commencé, de Gaulle, effectivement seul. On va peut-être me prendre pour un aventurier, et pourtant je ne suis pas un aventurier. On dira que je suis un rebelle parce que je n'obéis pas aux ordres. Mais ce sont eux, les rebelles, qui n'obéissent pas au devoir le plus sacré. Défendre son pays jusqu'à la dernière chance auprès de son dernier allié. Ils vont me condamner à mort peut-être. Eh bien tant pis. Jusqu'ici, les généraux condamnaient à mort les simples soldats qui abandonnaient le champ de bataille. Cette fois, ils condamneront un général qui n'a pas voulu le quitter. Général de Gaulle, 19 juin 1940. Alors, mon père a d'abord été sommé de retourner en France. Et alors, il n'a pas obtempéré et est venu ensuite pour, je dirais, indiscipline, une condamnation du Conseil de guerre à la réduction au grade de colonel et à la mise aux arrêts et à une amende. Tout ça a été assez ridicule. Il y avait même la convocation de mon père devant le conseil de guerre de Clermont-Ferrand, je crois, où il était précisé qu'il devait venir avec casque et gants blancs. Enfin, c'était du dernier grotesque. Cette condamnation a été jugée tout à fait insuffisante par les Allemands. Et la mi-août, les Allemands ont exigé que le Conseil de guerre français se réunisse une deuxième fois. Et là, il a été condamné à mort, à la dégradation totale et à la confiscation de ses biens. Le colonel de Mantes, ils arrivent tous de la même façon. Certains étaient sur place ici, en Angleterre, depuis Narvik ou Dunkerque. D'autres viennent de différentes régions de France. What does he say? He says that some of them, sir, have been here since Narvik and Dunkirk. Beaucoup sont des jeunes qui n'ont jamais fait de service militaire. Ils arrivent par petits groupes sur des barques de pêche, sur des yachts de plaisance, ou mêlés aux alliés sur les transports de troupes. Some of them, he says, sir, are too young to have done any military service. Merci, mon capitaine. Vous avez des nouveaux, ce matin ? Quelques-uns, oui. Vous voulez voir le détail ? S'il vous plaît. Moreau, Eugène, lieutenant 2e Spahi. Volvé, Alexandre, capitaine 2e Cuirassier. Condamné en France, le général de Gaulle va trouver des soutiens à l'étranger. Le 28 juin 1940, Churchill l'a reconnu comme chef de tous les Français libres. Dès lors, porté par sa volonté de relever la nation française, de Gaulle va se battre pour faire de la France libre le seul représentant légal de la France en guerre et l'organiser à l'image d'un véritable gouvernement. Rejoint surtout par des anonymes, le général de Gaulle aura toutefois du mal à rassembler 2400 soldats à Londres pour le défilé du 14 juillet 1940. Mais en juin 1942, il dispose de 70 000 soldats en Angleterre, au Levant et en Afrique équatoriale française. Ils seront 560 000 à l'été 1944. Au cours de ces 4 années de guerre, le général de Gaulle parvient aussi à se rallier l'opinion publique française qui, après la libération, va légitimer l'homme du 18 juin et commémorer son appel dans la liesse et les acclamations. Vous entendez les acclamations, la musique va jouer. Et voici que le général de Gaulle, debout dans sa voiture découverte en uniforme kaki, vient d'arriver. Il descend de voiture, la voiture se range, et le général de Gaulle, qui est suivi par le général Ingold, va s'avancer sur le tapis encendré. Il est suivi par de Charles Pérez, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Association des Français Libres. Des commémorations sont-elles organisées chaque année pour l'anniversaire de l'appel du 18 juin ? Bien entendu, en principe dans toute la France. L'appel élu soit... L'appel du 18 juin du général de Gaulle élu soit par un Français libre, s'il y en a un dans la région, soit par un ancien combattant ou par un lauréat du concours national de la résistance et de la déportation. Pierre Messmer, qui est à l'origine de l'idée de cette commémoration au Mont-Valérien ? Il faut dire qu'il y a une commémoration ancienne qui se fait le 18 juin, au Mont-Valérien, depuis longtemps, mais dans des conditions tout à fait différentes, beaucoup plus discrètes, à proximité de l'endroit où les résistants ont été fusillés. Le général de Gaulle y vient souvent, très souvent lui-même, le 18 juin, mais dans une cérémonie qui est, je répète, presque confidentielle. Et André Malraux lui a voulu que la cérémonie prenne une dimension beaucoup plus vaste, donc il fallait d'une part la déplacer un peu, et c'est ce qui explique que le monument a été réalisé sur les murs, sur un des murs du Mont-Valérien, et non pas à l'intérieur, et derrière le mur, il y a une crypte, à l'intérieur de laquelle se trouvent des cercueils, dans lesquels on a placé les corps de résistants, les corps de Français libres tués à l'ennemi ou fusillés. Et il y a un cercueil qui n'est pas encore en place, c'est celui du dernier compagnon de la Libération qui mourra. Avant de nous séparer, tous ensemble, chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les combats sont élevés. Au-delà du souvenir, depuis ces paroles fugitives lancées sur les ondes de la radio nationale anglaise, l'appel du général de Gaulle s'est aussi matérialisé en des lieux de vie. Aujourd'hui, parmi les milliers de rues, d'avenues, de places, de squares qui composent les villes et villages de France, 149 voix portent le nom de 18 juin 40. Avec les témoignages de Jean-Louis Crémieux-Briac, André Gillois, Pierre Mesmer, Charles Pérez et l'amiral de Gaulle. Alors mon père m'a emmené, nous sommes allés à la BBC pour la deuxième déclaration qu'il a faite le 22 juin, qui a été beaucoup plus complète que ce que le premier appel, plus précis, dont on a affiché une partie d'ailleurs sur les murs. Une des phrases de cette affiche est restée dans la mémoire de tous. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Cette phrase n'est pas dans l'appel du 18 juin, il est sur cette affiche. Alors on m'a mis dans une... Nous sommes rentrés à la BBC, qui était un des rares bâtiments très gardés. Et quand nous montions dans l'escalier vers les lieux d'émission... Il y avait, par exemple, un palier, une meurtrière avec des sacs de sable et un fusil mitrailleur qui pointait dans l'escalier. Mon père a fait son émission. Pendant ce temps-là, on m'avait mis dans une pièce à côté où j'entendais par un poste radio normal. Et je n'ai pas d'ailleurs pu entendre tout l'appel, puisque un couple britannique est rentré au milieu et a changé de poste pour écouter une émission sur un autre sujet. Et moi, je n'avais rien à dire. Texte lu par Bernard Brieux. Documentation INA, Elisabeth Verrière, Anne Lorveil. Et remerciements à Chantal Morel de la Fondation Charles de Gaulle, à Catherine Demont du Bureau du Service National de l'Adresse et à Pierre Lesève des services français de la BBC. Mixage Guy Senot et Pierrick Charles, une émission d'Aurélie Luneau, réalisée par Pascal Railly. Ici Londres, vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. L'appel veut plutôt la suite. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Londres, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième étape, le programme du Conseil national de la Résistance. Mais en attendant, restez à l'écoute.